Le soleil se lève aussi, comme moi tu le vois. Le soleil chasse la nuit et l'hiver et le froid. Le soleil se lève aussi par-dessus le toit. Le soleil se lève aussi si tu y crois. Le soleil se lève aussi, tu le tiens dans ta main. Le soleil chasse la pluie, tout est bleu ce matin. Le matin se lève aussi, il est fait pour toi. Le soleil se lève aussi si tu y crois. Toi qui as perdu le goût du jour, perdu aussi l'amour. Toi qui as le cœur lourd, écoute-moi, mais il faut te lever. Viens faire un tour, viens voir c'est beau le jour quand il te dit bonjour. Écoute-moi, le soleil se lève aussi. Oui, c'est moi qui te le dis. Le soleil se lève aussi. C'est l'oiseau dans son nid. Le soleil se lève aussi. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau la vie. Le soleil se lève aussi. Pour toi et moi aussi. Toi qui crois avoir perdu l'espoir, toi qui vois tout en noir. Le soleil est un phare qui vit en toi, mais il n'est là que pour qui veut le voir, que pour qui veut y croire. Il n'est jamais trop tard. Viens avec moi, le soleil se lève aussi. Le soleil chasse la nuit. Le soleil se lève aussi. Le soleil chasse la pluie, la, la, la, la, la. Le soleil se lève aussi. Allez viens, lève-toi. Le soleil se lève aussi. Il est fait pour toi. Le soleil se lève aussi. Tout est bleu ce matin. Le soleil se lève aussi. Tu le tiens dans ta main. Le soleil se lève aussi. Allez viens, lève-toi. Le soleil se lève aussi. Il est fait pour toi.